On veut mieux comprendre. C'est votre entretien consacré à des sujets d'intérêt général. On veut mieux comprendre, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis après le Mag Info de 12h15 et 18h15. Présentation, Barthélémy Conné. Mesdames et messieurs, amis auditeurs de la radio Beke FM, bienvenue à ce nouveau numéro de On veut mieux comprendre. Aujourd'hui, nous sommes avec la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et celui qui va répondre à nos questions, c'est bien Monsieur Kanga Kwaku André, inspecteur d'éducation spécialisée. Il est du service de protection de la direction régionale, bien sûr, du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de la région de Beke. Avec lui, nous allons parler des stratégies ou actions de lutte contre les violences faites aux femmes dans la région de Beke, des stratégies, bien sûr, de la dite direction. Et d'où notre thème du jour, mesdames et messieurs, quelles actions ou stratégies pour lutter contre les violences faites aux femmes dans la région de Beke. Bonjour, monsieur Kanga, merci d'avoir répondu à notre appel. Bonjour, monsieur Koné Barthélémy. Bonjour donc aux auditeurs de la radio Beke FM. Merci de l'occasion que vous nous donnez, en tout cas de communiquer sur les violences basées sur le genre au niveau de la région de Beke. Je précise à nouveau à nos auditeurs que vous êtes inspecteur d'éducation spécialisée et vous êtes au niveau du service de protection de la direction régionale du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Alors, monsieur Kanga, dites-nous, qu'est-ce que c'est que les violences faites aux femmes? Merci, monsieur Koné. Les violences faites aux femmes s'inscrivent dans le grand groupe des violences basées sur le genre. Et en partant de ce principe, les violences faites aux femmes sont des violences perpétrées contre les femmes, contre leur gré, et cela basé sur les rapports sociaux établis par la société elle-même. Un exemple? Une femme battue par son mari, voilà, c'est une violence faite aux femmes et c'est également classé dans les violences basées sur le genre. Merci beaucoup, monsieur Kanga. Pouvez-vous décrire la situation actuelle des violences faites aux femmes dans la région du Beke? Oui, merci, monsieur Koné. J'ai envie de dire que la situation est alarmante parce que nous, notre objectif, c'est de ne pas enregistrer de violences faites aux femmes ou de violences basées sur le genre. Alors, lorsque nous avons même un seul cas, voilà, de violence perpétrée contre une femme, nous disons que la situation, elle n'est pas bonne. Donc, malheureusement, il y a des cas de violence faites aux femmes dans notre région. Alors, monsieur Kanga, quelles sont les principales formes de violence observées et généralement, quels groupes de femmes sont les plus touchés? Merci, monsieur Koné. Nous avons plusieurs types de violences, mais les plus graves sont les cas de viol, malheureusement. Les cas de viol, il y a également les agressions physique, il y a les dénis de ressources, d'opportunités et de services dont sont victimes les femmes dans notre région. Et généralement, quelles catégories de femmes sont touchées par ces actes de violence? Est-ce qu'on peut dire que c'est les jeunes filles, les personnes matures, des adultes? Est-ce que ce sont des personnes, des femmes âgées? Est-ce que c'est des femmes qui vivent dans la précarité ou des femmes qui vivent dans un milieu aisé? C'est vraiment toutes les couches, hein? Voilà, qui sont touchés par les violences. Je veux dire, toute catégorie de femmes. Les plus touchées, c'est laquelle? J'ai envie de dire les femmes avec un niveau économique assez précaire, parce que la pauvreté expose très souvent les femmes à des situations vulnérables. Et ces situations font que très souvent, c'est elles qui sont touchées par ces violences. Donc, partant de ce fait, les enfants, les jeunes filles et les petites filles sont de facto des personnes vulnérables parce que non autonomes et donc elles également sont sujettes à ces violences malheureusement. Alors monsieur Kanga, quelles sont les priorités aujourd'hui et les objectifs principaux du ministère dans la lutte contre les violences faites aux femmes dans notre région? Mais quand on parle du ministère, forcément on parle de la direction régionale. Donc quels sont aujourd'hui vos objectifs principaux et priorités? Les objectifs de la direction régionale de la femme, de la famille et de l'enfant de Beke sont les objectifs assignés au ministère de la femme, de la famille et de l'enfant par le gouvernement, par l'État de Côte d'Ivoire. Donc, nos objectifs s'inscrivent bien entendu dans les mêmes objectifs que ceux du ministère au niveau national. Et ce n'est rien d'autre que l'autonomisation de la femme et la tolérance zéro. Je veux dire, le ministère s'est fixé l'objectif d'atteindre la tolérance zéro, c'est-à-dire zéro cas de violence faite aux femmes. Et cela implique beaucoup d'actions, telles que la formation des femmes elles-mêmes pour l'atteinte de leur autonomie. Et nous espérons que ces actions vont se poursuivre et que nous allons pouvoir aller vers cet objectif et l'atteindre, pourquoi pas. À travers quelle action et ou quel programme concret vous matérialisez, bien sûr, ces objectifs-là sur le terrain? Merci. Ce sont des mécanismes de lutte contre les violences faites aux femmes ou alors des violences basées sur le genre que la direction régionale met en place. Je crois que c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons ici avec vous ce matin. Donc, c'est les plaidoyers, la collaboration avec tous les acteurs de la société civile et de l'administration publique pour aller, on va dire, dans tous les coins et recoins donc de la région pour sensibiliser, pour former la population relativement à cette thématique qui est les violences faites aux femmes. Donc, il s'agira donc de fédérer les énergies, de créer des collaborations avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes, pour que le message soit porté, pour que l'information soit connue et que nos populations puissent se protéger elles-mêmes et aussi signaler ces cas de violence pour que des actions de prise en charge soit au fait. Monsieur Kanga, je me mets à la place d'une femme qui se pose cette question. Qu'est-ce que la direction régionale ou qu'est-ce que le ministère à travers la direction régionale fait pour nous, les femmes, dans le cadre de la violence? Et de façon concrète, qu'est-ce que vous lui répondrez? Je dirais à cette femme que la direction régionale a un mécanisme qui est la plateforme de lutte contre les violences basées sur le genre et la protection des enfants, qui est logé au niveau du complexe socio-éducatif de Coco. De façon générale, ou bien de façon très commune, les gens l'appellent centre social. Mais en réalité, c'est un complexe. C'est une structure qui a en son sein plusieurs services. Au sein de cette plateforme-là, nous avons toutes les couches sociales. Nous avons toutes les structures au niveau de la région de Boaké. Je fais partie des autorités politiques et administratives jusqu'aux autorités coutumières qui sont des acteurs de cette plateforme-là, qui est un système de réseautage. Alors, lorsque, malheureusement, nous avons un cas, cette plateforme est activée et chacun, dans cette plateforme-là, apporte la prise en charge qu'il faut. C'est-à-dire, pour une femme, malheureusement, survivante de viol, il y a, au sein de la plateforme, la prise en charge médicale qui est faite naturellement par les services de santé et les ONG qui ont cette mission-là. Et justement, comment le ministère collabore-t-il avec les autorités locales, les ONG et d'autres partenaires pour renforcer la réponse aux violences faites aux femmes? Je reviendrai simplement pour dire que c'est dans le cadre d'une collaboration. Voilà, il y a une collaboration qui est établie, une synergie d'action qui est établie, qui est matérialisée au niveau national et donc ce même mécanisme est installé au niveau régional. J'ai parlé tout à l'heure de la plateforme, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, toutes les structures, toutes les forces vives de notre région se retrouvent dans cette plateforme-là. Et c'est ensemble que les acteurs des domaines pluridisciplinaires fédèrent les énergies pour, j'allais dire, conjuguer leurs efforts pour lutter contre ces violences faites aux femmes. Dans la région de Boaké, Monsieur Kanga, quels sont les défis que vous rencontrez dans votre engagement dans la lutte contre les violences faites aux femmes? Merci, Monsieur Kone. Je parlerai du silence coupable. Voilà. Qu'est-ce que le silence coupable? Le silence coupable, c'est le fait d'être témoin, d'avoir connaissance d'un cas de violence faite à une femme ou à une toute autre personne, et de choisir de garder le silence sans signaler aux autorités compétentes. On peut signaler les violences dans plusieurs structures, le ministère de la Femme à travers ces structures, la police, la gendarmerie, la justice, les radios, les médias comme vous, c'est-à-dire les chefs de communauté, puisque nous avons des communautés avec nous dans la plateforme. Donc, quand nous avons connaissance d'un cas et que nous ne signalons pas, aujourd'hui c'est arrivé à X, demain le même auteur qui n'a pas été signalé va commettre le même acte, ce Y et ainsi de suite. Donc, le silence coupable est un obstacle dans les actions que nous menons sur le terrain. Donc, l'un des premiers obstacles, c'est le silence coupable. Le second serait lequel? Les règlements amiables. C'est-à-dire les communautés très souvent choisissent malheureusement, j'allais dire entre griffes, l'harmonie communautaire ou l'harmonie sociale. Les communautés se disent que en dénonçant un des leurs, ils seraient en train de créer des discordes entre la communauté. Malheureusement, c'est pas bon parce que cela encourage cet acte malheureux contre les populations et principalement les femmes. Donc, il faut donc arriver à signaler tous les cas pour que, au niveau de l'administration compétente, nous puissions apporter les réponses qu'il faut aux survivantes de violences basées sur le genre. Vous ne pouvez pas comprendre le mal, la destruction profonde qu'une personne peut vivre, sachant qu'elle a été victime de violence et tout le monde choisit de s'asseoir, de se taire et la vie continue. C'est malheureusement l'un des obstacles et un des points, on va dire, douloureux, voilà, que j'ai envie de citer. Et déjà, y a-t-il d'autres points, zones d'obstacles que vous voulez signaler? Oui, très souvent les questions de moyens, très souvent les questions de moyens, moyens financiers, les gens, sinon les populations, se disent que même si je vais au centre social où je vais à la police, je ne pourrais pas peut-être payer s'il y a des frais et tout ça. Non, ça fait que beaucoup de personnes se rétractent et vivent avec leur mal et ça détruit les personnalités. Donc, c'est le lieu d'inviter les personnes, en tout cas toutes les communautés, à aller vers les centres sociaux, à aller vers la direction régionale, à aller vers la police. Une fois que l'un des acteurs dont je vous ai parlé tantôt est informé, la plateforme entière est activée. Et au sein de la plateforme, il y a plusieurs compétences. Chacun à son niveau joue son rôle et on parlera de prise en charge holistique. Ça dit faire bénéficier à la survivante de violence de toutes les prestations qui pourraient l'aider à reconstruire sa personnalité. Donc, c'est vraiment une invite à toutes les communautés de la région de Bekè. Également, et toujours pour rester dans la même logique, je voulais savoir, est-ce que aussi la peur d'aller vers les autorités judiciaires, parce que certains ont une phobie des autorités judiciaires, est-ce que ça ne constitue pas également un obstacle? Bien entendu, c'est un gros obstacle. L'administration simple même, très souvent nos parents ont peur de l'administration simple. Et quand on parle de justice ou de police, là, c'est encore plus grave. Alors que ces structures-là sont là, des personnes ont été formées par l'État, sont payées par l'État de Côte d'Ivoire pour apporter des réponses aux préoccupations des populations. Donc, au risque de me répéter, c'est d'inviter toutes les personnes. Il y a un système qui est mis en place pour protéger même les témoins. Vous pouvez signaler de façon anonyme. C'est-à-dire, vous allez signaler un cas de violence faite à une femme ou à une personne dans votre communauté. On ne saura même pas que c'est vous qui avez signalé le cas. Donc, rassurez toutes les populations. Les inviter à aller vers ces structures. Même si on a un peu peur de la police, de la justice, de la gendarmerie, mais les centres sociaux, c'est vraiment des structures administratives qui sont là pour vraiment accueillir toutes les personnes pour répondre à leurs besoins. Et quand nous sommes limités à notre niveau, je répète, nous avons d'autres acteurs vers qui nous allons pour répondre aux préoccupations des populations. Alors, Monsieur Kanga, face à tous ces défis que vous rencontrez, est-ce que vous menez ou est-ce que la direction mène des actions de sensibilisation suffisantes? Oui, il y a des actions de sensibilisation qui sont menées, souvent de façon individuelle, à travers les structures membres de la plateforme. C'est-à-dire, si la radio Bekè est aujourd'hui acteur de la plateforme, elle peut choisir de sensibiliser les populations à travers des émissions, comme nous sommes en train de faire actuellement. Une ONG quelconque, membre de la plateforme, peut organiser une activité de sensibilisation dans sa zone de compétence, ou même la plateforme, au niveau du secrétariat technique, peut décider d'organiser des sensibilisations dans la région pour informer. Il y a aussi les formations que nous faisons. Il faut rappeler que chaque mois, la plateforme se réunit pour parler des violences faites aux femmes, aux enfants, sinon pour parler de l'ensemble des violences basées sur le genre. Et au cours de ces rencontres-là, les expériences sont partagées, les données sont recueillies et les cas, on va dire, d'actualité sont traités par l'ensemble des cas. Donc, plusieurs activités sont menées, hein, par les structures membres de la plateforme et par le secrétariat technique membre de la plateforme. Donc, c'est vraiment un package d'activités voilà, qui sont proposées pour que les populations aient déjà l'information et adopter la bonne attitude quand malheureusement il y a ces cas de violence. Est-ce que vous avez la possibilité de mesurer l'impact de vos actions sur le terrain? Oui, on peut mesurer l'impact de nos actions sur le terrain parce que si hier, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de violence faite aux femmes. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de cas qui sont signalés. Ça veut dire que nos sensibilisations ont porté, les populations ont l'information et elles sont outillées aujourd'hui à donner l'information aux autorités compétentes pour que des réponses soient apportées. Auparavant, les survivantes souffraient dans leur chair, personne ne disait rien. Mais aujourd'hui, à travers les sensibilisations, à travers les activités, les formations adressées aux leaders communautaires, aux ONG et autres, les cas sont signalés et des réponses sont apportées. Donc, je dirais que nos actions communes, pas la direction régionale elle seule, mais tous ses partenaires, tous les acteurs, nos actions portent, ce qui fait qu'aujourd'hui, les cas sont signalés et nous avons la possibilité d'apporter des réponses à ces cas. Y a-t-il des besoins en termes de ressources humaines, financières et techniques pour renforcer efficacement la réponse aux violences faites, bien sûr, aux femmes dans notre région? Bien entendu, merci Monsieur Koné, il y a des besoins. Il y a des besoins au niveau des ressources humaines. Je voudrais dire qu'au niveau de notre direction régionale, nous n'avons pas de psychologues. Ça, c'est un besoin. Mais Dieu merci, certaines ONG, membres de la plateforme dont je vous ai parlé tout à l'heure, ont quelquefois des psychologues, voilà. Et dans le cadre de la plateforme, nous permettent d'apporter ce type de prestations aux femmes survivantes de violences. Également, au niveau de la prise en charge médicale, voilà, il faut dire que pour une personne victime de violences, coups et blessures, qui a besoin d'un traitement médical, il faut payer, voilà, les ordonnances. Donc, certaines ONG le font, mais ça ne suffira pas. Et ça ne suffit pas, j'ai envie de dire. Donc, il y a ces besoins-là. Nous encourageons, nous félicitons, nous disons merci déjà à toutes ces personnes, à toutes ces ONG qui nous accompagnent sur tous ces plans et nous les invitons à faire davantage. Il y a également des défis au niveau alimentaire. Pour une femme qui est de passage, qui malheureusement est victime et qui subit une violence dans notre zone, qui ne connaît personne à Boaké ou dans notre région, cette personne-là a besoin d'être nourrie, a besoin d'être logée. Donc ça pose également le problème de la prix. C'est-à-dire pour apporter une prise en charge à une personne, il faut que cette personne ait déjà un abri, un toit où dormir, et que cette personne bénéficie de prise en charge alimentaire. Au niveau de l'abri, nous espérons que notre centre de transit va être fonctionnel sous peu pour permettre de corriger cela. Mais sinon, il y a des besoins en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, et pour nous permettre d'être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Monsieur Kanga, vous avez cité les violences faites aux femmes comme étant les violences physiques, les dénis des ressources. Monsieur Kanga, est-ce que nos femmes savent qu'on peut dénoncer, par exemple, les dénis des ressources? Et surtout, expliquez d'abord qu'est-ce que c'est que les dénis des ressources. Est-ce qu'une femme qui est victime de dénis des ressources peut venir se signaler ou signaler celui qui lui fait subir cela? Oui, les dénis de ressources font partie des 6 types de violences basées sur le genre. Nous avons 6 types de violences basées sur le genre et les dénis de ressources font partie. C'est l'une des violences même beaucoup, on va dire, répandues dans notre zone. Quand, de façon mensuelle, nous nous retrouvons que nous faisons les bilans, très souvent, nous avons un taux élevé au niveau des dénis de ressources. Les dénis de ressources, c'est par exemple un mari qui est censé donner l'argent de la popote et qui ne le donne pas. Voilà, qui prive donc la femme et les enfants de nourriture. Voilà, donc une telle femme qui subit cela peut se rendre dans un centre social, dans nos centres sociaux, et puis signaler le cas pour que le mari soit invité à nos services pour comprendre, voilà, les situations, les motivations, pour que solution soit trouvée. Malheureusement, beaucoup de femmes subissent cela. Les dénis d'opportunité, on parlera d'une petite fille, par exemple, à qui on dit elle doit rester à la maison pour aider à faire le ménage et que c'est le petit garçon qui doit aller à l'école. On prive à cette petite fille l'occasion d'aller à l'école, qui est une opportunité pour elle d'apprendre et de s'autonomiser pour pouvoir s'intégrer sur le plan social et économique dans notre pays. Et même parfois des femmes qui sont dans un couple où le mari ne veut pas que la femme saisisse une nouvelle opportunité en matière de travail, ça aussi, ça peut être compté parmi. Bien entendu, vous êtes un spécialiste en la matière, Monsieur Koné. Oui, oui, il y a des hommes, figurez-vous qu'il y a des hommes qui empêchent carrément leurs femmes de travailler. Elles doivent rester à la maison pour servir de femmes de ménage, permettez-moi l'expression, c'est-à-dire qu'elles restent là à s'occuper simplement du ménage. Pourtant, cette femme-là a des compétences, elle a des capacités pour travailler. Elle doit travailler. Toute personne doit bénéficier, voilà, d'une formation pour travailler. C'est en cela que l'autonomisation de la femme est un des objectifs majeurs de notre ministère. C'est-à-dire former les femmes en comptabilité simplifiée, former les femmes sur la gestion familiale, éducation à la vie familiale, EVF, comme on l'appelle dans nos structures. C'est le lieu également de lancer un appel à toutes ces femmes-là pour leur dire que nous avons des IFEF à Boaké. L'IFEF, c'est l'Institution de Formation et d'Éducation Féminine, qui sont des structures du ministère. Nous en avons une à Air France, nous en avons une deuxième à Coco. Les femmes et même les hommes de tout âge peuvent venir se faire former, obtenir des diplômes, former en pâtisserie, en couture et tout ça, pour que ces femmes-là puissent exercer une activité. Ce qu'on est, dites-moi, pour un homme qui a sa femme, qui à la fin de chaque mois lui apporte ne serait-ce que 10 000 francs, vous et moi, de vous à moi, ce ne serait pas intéressant? Je pense que c'est positif en tout cas. Donc, il faut donc inviter tout le monde, surtout les femmes, à se faire former et à arracher leur autonomisation. Il faut venir vers les structures sociales. Nous sommes là pour accompagner ces femmes. Au niveau de la direction, il y a même un service genre, c'est-à-dire qui s'occupe des associations de femmes à Boaké. Mais en même temps, il faut dire que les femmes de Boaké sont dynamiques. Elles sont vraiment dynamiques parce qu'elles se sont constituées en association et avec le service genre, avec la direction régionale, beaucoup d'activités sont menées sur le terrain pour leur permettre d'être autonomes et de contribuer au développement socio-économique de notre région et de notre pays. Monsieur Kanga, j'ai une inquiétude. Tout à l'heure, vous avez parlé de déni des ressources qui pouvaient être dénoncées. Est-ce qu'il n'y a pas une frontière en la matière, c'est-à-dire des limites qui pourraient permettre de faire la part des choses? Quelqu'un qui entretient, une jeune femme qui entretient une relation qui n'est pas une relation légale, je sais pas, il n'y a pas de mariage, il n'y a aucun engagement d'un point de vue légal. Est-ce que, entre nous, parlons dans le jargon ivoirien, mon gars qui refuse de me donner de l'argent, est-ce que je peux signaler cela aussi? Merci, Monsieur Koné. Vous me permettez de revenir un peu sur les dénis de ressources. Pour parler de dénis de ressources, il faut que, à la base, nous ayons droit à cette prestation. Si à la base nous n'avons pas droit à cette prestation, si pour un fait nous nous présentons pour dire que nous sommes victimes de dénis de ressources, on ne pourrait pas le classer ainsi. Donc, il faut que juridiquement vous en ayez le droit. Même si c'est pas juridiquement, quand je parle de droit, mais il y a des droits divins, j'ai envie de dire comme ça. Par exemple, un homme qui a marié une femme de façon, on va dire de façon coutumière, le monsieur a obligation de s'occuper de cette femme-là. C'est reconnu dans la communauté que le monsieur est responsable de cette femme-là. Donc, à ce titre, elle peut se plaindre d'être victime de déni de ressources. Par contre, si dès le départ, il n'y a pas d'engagement vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas ce droit-là au départ. Après, vous ne pourrez pas venir vous plaindre. Sinon, ce serait vraiment, on va faire de l'amalgame. C'est-à-dire, aujourd'hui, je me lève et puis je viens au centre social. Je dis que M. Koné devait me permettre de passer à la radio. Il ne l'a pas fait. C'est un déni de... À la base, il faut, par exemple, que pour essayer de caricaturer, faire comprendre qu'à la base, nous, notre direction, nous ayons peut-être signé un contrat, un accord pour dire chaque fin de mois, la direction va passer pour communiquer sur les thématiques, pour sensibiliser les populations. Et si, et plus tard, vous nous refusez cela, on pourra parler de déni de service, par exemple. Mais s'il n'y a pas de contrat et que nous sommes en négociation, je ne pourrais pas me plaindre de façon officielle pour dire que je suis victime de déni de service au niveau de la radio Beke. Donc, il faut, dans les dispositions, il faut comprendre que à la base, il faut avoir ce droit-là. Par exemple, vous avez parlé de, pour utiliser le terme ivoirien. Ivoirien go égal. Voilà, une go... Voilà, permettez-moi, mais il n'y a pas ce droit acquis là, voilà, qui fait que le monsieur devra forcément, mais de façon humaine, voilà, et de façon, on va dire, africaine et tout ça, ça se fait. Mais sinon, dans ce cas-là précis... On parle de relations occasionnelles. Merci. Et donc, dans ce cas précis, on ne pourra pas classer de déni de ressources. On pourra concilier les deux parties toujours au niveau du centre social, mais on ne pourra pas classer ça comme... des dénis de ressources et faire remonter au niveau national pour que ça soit comptabilisé. Donc, il faut vraiment faire ces parts des choses pour éviter les amalgames. En dehors de vos sensibilisations, on se rend compte là que les femmes ont besoin d'informations. Comment peuvent-elles les avoir avec vous? Ok, je disais tout à l'heure que nous avons un service genre au niveau de notre direction. Nous avons plus de 400 associations enregistrées dans notre base de données avec lesquelles nous travaillons. Donc, c'est dans le cadre de ces partenariats, de cette collaboration, que des formations sont faites à l'endroit de ces femmes-là pour qu'elles aient les rudiments nécessaires pour se protéger et protéger les autres, j'ai envie de dire. Donc, c'est aussi avec vous, les médias, voilà, que nous allons arriver à atteindre cet objectif-là, de communiquer, de donner la bonne information dans toutes les parties de la région de Gbeke, pour que personne ne reste à l'écart de cette lutte commune que nous sommes en train de mener, qui, au finish, devra non seulement permettre l'autonomisation de la femme, mais aussi atteindre la tolérance zéro à l'égard des violences faites aux femmes et aux filles. Monsieur Kanga, nous tendons vers la fin de cette émission, et nous sommes dans la région de Gbeke, et je ne peux m'empêcher de vous poser cette question. Comment vous avez vécu les différents féminicides qui ont eu lieu à Gbeke depuis 2021, surtout le cas de Hermine qui a choqué toute l'opinion nationale, donc une jeune étudiante qui descendait du service, qui a été assassinée et surtout avec des parties certainement démembrées. Et à la suite d'elle, on a eu également d'autres cas ici même à Gbeke. Et comment vous vivez cela au niveau de la direction? Ben, c'est triste et malheureux, hein, pour, on va dire, toute la société ivoirienne et la région de Gbeke en particulier. C'est le lieu donc d'inviter toutes les populations et surtout nos jeunes filles à vraiment, j'allais dire, être beaucoup prudentes, éviter les mauvaises fréquentations, éviter, j'allais dire, des comportements qui pourraient nous exposer à tout type de violence. C'est vraiment douloureux de savoir que les femmes, j'allais dire, toutes les couches sociales, même souvent, nous avons des jeunes garçons aussi qui sont victimes. Donc, c'est vraiment malheureux et triste pour nous, en tant que, on va dire, défenseurs des droits de l'homme, de façon générale et particulièrement des femmes et des enfants qui sont des couches les plus vulnérables de notre société. Donc, inviter l'ensemble des populations à adopter des comportements qui pourraient nous protéger et nous protéger de toutes sortes d'abus et de violences. Comment voyez-vous l'avenir de la lutte contre les violences faites aux femmes? Au niveau du ministère, nous sommes sur la bonne voie avec tous les partenaires, comme je l'ai dit tantôt. Au niveau de la région de Gbeke, l'une de nos perspectives, les mois et années à venir, certainement, sera d'installer des cellules genre dans toutes les structures, c'est-à-dire former les structures et installer des cellules genre au sein de ces structures-là pour que la sensibilisation soit, on va dire, quotidienne, les actions de lutte soient quotidiennes, pour que notre région entière soit couverte, on va dire, de mécanismes de lutte et d'alerte contre les violences basées sur les gens. Donc, ça sera à ce prix, j'ai envie de dire, que nous allons pouvoir lutter efficacement contre les violences et pourquoi pas atteindre la tolérance zéro à l'égard des violences faites aux filles et aux femmes. Donc, inviter toutes les structures à nous solliciter pour que nous puissions faire des formations, parce que de façon, on va dire, régulière, on fait des sensibilisations, mais si les structures nous sollicite pour des formations, on va dire, précises, nous y allons et à l'issue de cela, nous pouvons installer des cellules genre en leur sein qui seront des relais, de la direction régionale et de la plateforme pour continuer à communiquer sur les violences basées sur le genre. Nous sommes presque à la fin. Quel conseil aimeriez-vous donner aux femmes d'une part et aux hommes d'autre part, vu que nous sommes dans un climat qui fait peur pour les femmes, là où chaque jour sur les réseaux sociaux on annonce une disparition de femmes? Ok, merci Monsieur Kone. Malheureusement, tout le monde est victime de violences. On parle, c'est vrai que notre thème du jour c'est les violences faites aux femmes et aux filles, mais il y a malheureusement les hommes également qui sont victimes de violences. Beaucoup d'hommes sont battus dans leur foyer, mais n'osent pas le signaler. Donc, les conseils que je pourrais donner, c'est de prendre les dispositions nécessaires, au risque de me répéter, tout à l'heure je le disais, d'adopter des comportements qui vont nous mettre à l'abri, qui vont nous exposer au type de violence. Et il faut aller vers les services, il faut aller vers les structures sociales pour que nous puissions communiquer, nous puissions donner plus d'informations, nous puissions former même ces populations-là, afin qu'elles aient tous les rudiments nécessaires pour se protéger et protéger les autres. Et il faut les inviter à signaler tous les cas. Il faut signaler les cas de violence pour que nous puissions, au niveau de la direction régionale, apporter des réponses adéquates. La dernière question, voudriez-vous saluer, avez-vous des salutations à l'endroit de certaines personnes? Je voudrais saluer l'ensemble des acteurs de la plateforme, saluer la plateforme de lutte contre les VBG et protection enfants, qui est logé au niveau du complexe socio-éducatif avec à sa tête monsieur le directeur du complexe, monsieur Dioma, voilà, qui en assure le secrétariat technique, et tous les acteurs de cette plateforme-là qui, de jour comme de nuit, sont aux côtés des populations, mènent des actions, mènent des activités pour que nos populations se sentent accompagnées. Voilà. Rendre hommage également, en tout cas, au personnel de la direction régionale avec à sa tête monsieur le DA qui nous permet, en tant que manager, de mener nos activités sur le terrain. Merci à vous également, à la radio et à tous les médias de Boaké qui, en tout cas, ne ménagent aucun effort pour nous accompagner dans le cadre de la lutte, à travers des sensibilisations, à travers des activités communes, à travers des émissions comme celle que nous sommes en train de faire ce matin. En tout cas, merci. Nous invitons toutes les autres radios à nous approcher pour que ensemble nous puissions mener des actions fortes de lutte contre les violences faites aux femmes et sinon des actions de lutte contre les violences basées sur le genre en général. Merci beaucoup monsieur Kanga. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes inspecteur d'éducation spécialisé et vous êtes du service de la protection au sein de la direction régionale du ministère de la femme, de la famille et de l'enfant de la région du Béké. Et tout à l'heure, vous avez répondu à nos questions concernant les actions et ou stratégies pour lutter contre les violences faites aux femmes dans la région de Béké. Merci beaucoup. Je vous invite, mesdames et messieurs, à suivre la suite des programmes de votre radio préférée, la radio certifiée à la norme GTI CW17493, qui fait de nous un média fiable. On veut mieux comprendre. C'est votre entretien consacré à des sujets d'intérêt général. On veut mieux comprendre. C'est tous les lundis, mercredis et vendredis après le Mag Info de 12h15 et 18h15. Présentation, Barthélémy Conné.